Le théâtre populaire de juin 1944 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Un tour au paradis, une comédie en quatre actes de Sacha Guitry. Avec la distribution suivante, Maurice Dalmasso, Henri Guizol, Claude Rigal, Jacques Toja, sociétaire de la Comédie Française, Fernand Roussel, Daniel Lecourtois de la Comédie Française, le docteur Ferron, Jean Clarence, les deux bienheureux, Valet Valdi et Louis Raymond, le valet de pied, Jacques Berger, Marcel Dalmasso, Sophie Desmarais, la femme de chambre, André Gilles, la récitante, Olga Nilza, et Saint-Antoine de Padoue, Robert Pisani. Réalisation, Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. En France, après la Première Guerre mondiale, l'art dramatique hésitait entre Giraudoux et Lenormand. Cherchant sa voie, il crut trouver en Sacha Guitry un novateur. Écrivain de transition, sortant du conventionnel, le jeune dramaturge apportait à la scène une originalité. Un curieux amour du moi lui faisait jeter sur le monde un regard narquois, teinté de mépris, tandis que dans son dialogue étincelant, se mêlait en apparence le ton de Marivaux à celui de Beaumarchais. Pierre Brisson a évoqué la déception que causa ensuite le théâtre de Sacha Guitry. C'était loin de l'espoir que tant de libertés heureuses avaient fait luire à ses débuts. Les premières comédies ouvraient la porte à la fantaisie, mais vite, elles s'effacèrent à l'horizon. Sacha n'eut d'autre prétention que d'être un spirituel amuseur. Il n'a pas créé de type particulier. Ses caractères ont plus de drôlerie que de profondeur. Et malgré son esprit, l'insistance à remplir la scène de sa personnalité ont diminué la valeur d'ensemble de son théâtre. Il faut cependant diviser cette œuvre en deux. Le théâtre des autres et le théâtre du moi. Dans ce premier groupe, on pourrait ranger Nono, La prise de Bergobson, Le veilleur de nuit, La pèlerine écossaise, Françoise et Un tour au paradis. Sa verve d'amuseur y garde son attrait et l'on écoute avec plaisir l'ironie nonchalante d'un homme qui, sous un air bon garçon, riait au nez du monde avec impertinence. Un tour au paradis est un morceau de rêve. Réalité et fiction s'y mêlent ingénieusement, avec finesse et légèreté. Le dialogue reste d'une élégante négligence et à chaque instant en jaillit une formule sarcastique d'un cynisme feutré mais d'un comique irrésistible. C'est une des choses les plus agréables imaginées par ce virtuose que fut Sacha Guitry. On y trouve de la féerie, le goût d'effacer d'anciennes blessures et de s'abandonner à la réussite d'un instant. Malgré les années, ce tour au paradis est fort capable de vous divertir. Le théâtre populaire du juin 1944 présentera le lundi 5 novembre à 14h30 sur France 3 une œuvre inédite, Choc, adaptation radiophonique de Madame Frédéric du roman de Fanny Marette, avec une présentation de Gérard Jacquet. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Le salon des Dalmasso, attenant à la salle à manger. Le soir, après dîner. Oh, laissons-les discuter, ils sont assommants tous les deux. Asseyons-nous et bavardons. Mais pourquoi fermez-vous cette porte? Je croyais bien faire, madame. Oh, quel imbécile. Pourquoi ne fumez-vous pas? Parce que madame me l'a défendu. Mais je ne vous parle pas. Ah, pardon, madame. Pourquoi je ne fume pas? Parce que je ne fume plus. Depuis quand? Depuis 2 mois. Pourquoi? Le cœur? Non, l'estomac. Ma parole. Je digère bien mieux depuis que je ne fume plus. Et surtout, je dors mieux. C'est pourtant un narcotique, le tabac. Quelle erreur. C'est un excitant. Vous devriez dire ça à Maurice qui se plaint de lourdeur après les repas et qui ne s'endort jamais avant 4 heures. Maurice rentre à 4 heures tous les jours? Non, oh non, il s'endort à 4 heures. Ah bon? Oui, ça m'étonnait d'ailleurs. Sermonnez-le. Il n'y a rien à faire. Je connais Maurice depuis 20 ans, il a toujours eu une hygiène déplorable. Il mange comme un ogre, il fume comme un sapeur, il ne marche jamais. Vous ne lui trouvez pas mauvaise mine? Oh, ma foi. Et c'en est presque injuste à la fin. Et non, merci. Pourquoi présentez-vous cette boîte fermée? J'avais entendu monsieur qui disait qu'il ne fumait plus. Alors pourquoi lui présentez-vous des cigares? Parce que monsieur m'a dit de le faire. Oh ben moi, je sais plus ce qu'il faut que je fasse ici. Eh bien, je vous le dirai demain, ce qu'il faudra que vous fassiez. Oh ben ça, madame, avec plaisir. Je crois que j'aurais dû dire adieu à cet homme-là, moi, hein? Ah, ça, je vous jure que vous ne l'enverrez plus. Ce serait vraiment trop bête de ne pas profiter de l'occasion qui se présente de le flanquer à la porte. Non seulement il est stupide, mais en plus, il est malfaisant. D'ailleurs, ces gens-là, quand ils vous déplaisent, on devrait les renvoyer tout de suite. Nous sommes idiots, Maurice et moi, de tolérer, comme nous le faisons depuis 3 semaines, la présence de ce garçon que nous avons pris en grippe, car nous le détestons, il le sent très bien. Il nous rend l'appareil. Et de la sorte, nous vivons ici dans une atmosphère de haine réciproque que je trouve détestable. Qui est bien inutile, en tout cas. Oh, et puis il est trop petit et trop gros. Ah, ben ça, vous auriez pu vous en apercevoir tout de suite. Non, nous l'avons engagé en 5 minutes parce que le nôtre était tombé brusquement malade et qu'il nous fallait quelqu'un pour servir le soir même. Nous avions 8 personnes à dîner ce jour-là. Ben, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, du reste. Moi non plus. Mais ça ne m'ennuie pas. Ah. Si par hasard vous entendez parler de quelqu'un de bien, soyez gentil. Non, je vous le dirai immédiatement. En tout cas, Maurice veut un homme de sa taille. Pour qu'il lui chipe ses vêtements? Non, mais pour le service, un homme de taille moyenne, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est neutre. Ah, c'est possible. Je vais avertir Maurice, vous permettez? Je t'annonce que je viens de flanquer Ernest à la porte. Oh, que tu as bien fait. Merci, chérie. Dites-moi, puis-je vous demander qui est ce jeune homme qui vient de dîner avec nous, que je n'avais jamais rencontré chez vous? C'est un jeune avocat dont nous avons fait connaissance à la Bourboule cet été et que Maurice aime beaucoup. Est intelligent. Très. Et pour un garçon aussi jeune, comme il est bien élevé, n'est-ce pas? Il est peut-être un peu bavard. Dame, avocat, il s'entraîne. En vérité, leur conversation devenait énervante. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les discussions sur ce sujet m'ont toujours un peu porté sur les nerfs. Elles sont surtout vaines et sans issue. Ben, moi, elles m'agacent. Ah, c'est qu'elles vous intéressent alors. Mais ce serait sans le savoir. Ils sont toujours sur le même sujet? Toujours. Enfin, j'espère que Maurice voudra bien m'accorder tout à l'heure 1 minute, car il m'avait invité à dîner pour lui parler d'une affaire importante. Voulez-vous que je l'appelle? Non, non, non. Il changera de conversation en changeant de pièce. Si vous les interrompez, ils recommenceront dans 5 minutes. Il vaut mieux que ce sujet, il l'épuise là-bas. Est-ce que vous aimez la radio? Oh, c'est une des 5 ou 6 choses dont je puis très bien me passer. En vérité, j'aime pas beaucoup qu'on m'impose des airs. Oh, alors laissez-moi vous faire entendre un disque, hein? Oh, mais ne vous croyez surtout pas obligé de me distraire, vous savez. Je vous mets au défi de trouver un disque aussi joli à entendre que vous êtes joli à regarder. Oh, merci. Je trouve d'ailleurs de plus en plus joli. Vous me regardez avec les yeux de l'amitié. Oh, ce ne sont pas toujours les plus indulgents. Est-ce que Maurice est encore jaloux de temps en temps? Pourquoi dites-vous encore? Maurice n'a jamais été jaloux. Oh, si. Pas de vous, mais de sa première femme, si. Peut-être avait-il des raisons de l'être. Oui et non. Comment oui et non? C'est oui ou non? Eh, t'es coquette. Alors disons oui, car ça peut mener loin. Ça l'a mené au divorce. Tant pis pour elle. Tant mieux pour vous. Vous n'êtes pas coquette, vous? Oh non. Entre nous, je vous dirais que je ne crois guère aux femmes qui ne sont que coquettes. Et si elles sont coquettes, c'est pour qu'on dise d'elles oui et non, et qu'on ait des doutes sur leur infidélité. Eh bien, prouvez-le-moi. Je ne suis pas entêté, vous savez, moi. Je ne demande qu'à me laisser convaincre. Tenez. Nous allons en faire tout de suite, c'est bien simple. Il faut être 4? 3, 4, 5, peu importe. Eh bien, allons-y. À quel jeu vont-ils nous faire jouer? Il n'est pas question de jouer, cher monsieur. Non, non, et ce que nous allons faire, ce sont des tables tournantes. Il prétend qu'il est un médium extraordinaire. Ah non, non, je ne vous ai pas dit que j'étais un médium extraordinaire. Mais 20 fois déjà, j'ai fait tourner des tables et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Intéressant? Mais oui, monsieur. Ou comment un garçon intelligent comme vous peut-il parler sérieusement d'enfantillage pareil? Monsieur, mon oncle Pailleret de l'Académie des sciences en fait 3 fois par semaine. Je ne pense pas qu'on puisse dire de lui qu'il est un imbécile. Oh, mais loin de moi la pensée d'insulter votre oncle, mais je m'étonne encore une fois, et ceci n'a rien de blessant pour vous ni pour votre famille, je m'étonne que des gens bien équilibrés puissent passer leur temps à... Bon, je le répète, peut-être par exemple enfantillage. Tu lui dis exactement ce que je viens de lui dire. C'est-à-dire ce que disent tous les gens qui n'ont jamais assisté à une séance sérieuse et concluante. Ah, mais il y a des séances sérieuses. Et concluantes? Absolument. Avez-vous l'intention de sortir ce soir, madame? Moi? Mais pas le moins du monde. Eh bien, qu'on nous donne une table. Une table? Comment? À une table ordinaire, en bois. Prenez la table à jeu. Ah non, non, madame, non. Entièrement en bois. et sans ornement de métal, si possible. Ah, il y a la petite table ronde qui est dans ton boudoir sur laquelle on met le téléphone. Le dessus est en marbre. Ah non, non, ça n'irait pas. On ne pense pas à tout quand on monte à ménage. Oh, attendez. J'ai votre affaire. Ah, jeune homme, jeune homme. Mais patientez 10 minutes, j'en ai vu de plus sceptiques que vous. Et que vous avez pu convaincre? Absolument. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas être réfractaire, de n'opposer aucune résistance. Qu'entendez-vous par là? J'entends par là que si vous êtes absolument convaincu que rien ne peut se produire, rien ne se produira. Vous m'attribuez un pouvoir négatif qui me semble bien grand. Mais je vous demande pardon, qu'est-ce qui peut se produire? Eh bien, mais des craquements d'abord. Ah, des craquements. Oui, de petits craquements dans la table. Que vous interprétez comme vous l'entendez. Ah non, que nous interprétons selon les règles établies. Oui, mais c'est que nous ne sommes pas initiés. Ah, mais c'est très simple. Un coup pour oui, deux coups pour non. Nous posons des questions auxquelles les esprits nous répondent, et puis c'est tout. C'est tout? Il dit c'est tout. Rien que cela, c'est déjà étonnant. Hein? Ah, ça, vous pouvez le dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma trouvaille, là? Ah, ben voilà, c'est parfait. Exactement ce qu'il nous faut. Bon, on prend des chaises ou... Non, des chaises. Les celles de la salle à manger feront très bien l'affaire. Je vais vous aider. C'est de la folie pure. Oh, si ça les amuse. Oh, si ça ne fait que les amuser, bien sûr. Mais le danger de ces bêtises-là, c'est qu'on peut très bien arriver à se suggestionner soi-même. Croyez-vous? J'en suis sûr. Et alors, quand on prend ça au sérieux, où va-t-on? Bon, alors, on se place comment? Et on sort comme on veut. Bon, eh bien, asseyons-nous. Maurice, dis donc, je voudrais bien te parler pendant 5 minutes de ce que tu sais. Bon, tout à l'heure, hein? Après. Ah bon, soit. Assieds-toi là. Moi, je vais me mettre en face de Marcel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, d'abord, madame, on éteint les lumières. Ah ah! Non, pas toutes les lumières, cher monsieur, mais presque toutes, pour n'être pas distrait, pour mieux concentrer sa pensée. Pardon, madame, où sont les interrupteurs? Auprès de la porte. Ah oui. Merci. Voilà, bien comme ça, c'est très bien. Voilà. Et maintenant? Bon, maintenant, on pose ses deux mains, ou plus exactement, le bout de ses doigts sur la table. Sans appuyer? Oui, sans appuyer, bien entendu, car si tout à coup la table se met à tourner, ou simplement à se soulever, il ne faut pas qu'elle en soit empêchée. Ah bon? Ah, parce que vous croyez qu'elle va se soulever? Si nous avons assez de fluide tous les quatre, il n'y a pas de raison pour que ça ne se produise pas. Seulement pour cela, il faut bien concentrer sa pensée. Moi, je la concentre. Eh bien, faites-en autant. Attends, mais je ne demande pas mieux. À quoi faut-il que je pense? Oh, rien du tout. Ah bah, vous en parlez à votre aise. On pense toujours à quelque chose. Non, je veux dire par là, penser à ça, uniquement. Mais à quoi ça? Bah, à ce que nous faisons. Ah! Pensez que vous voulez que les esprits nous répondent. Et pensez-y de toutes vos forces. On va faire ça. Tu penses, toi? Mais bien sûr. Tu le vois bien que j'y pense, voyons. Et tu me déranges en me le demandant. Mais ça n'est pas encore commencé. Mais si, c'est commencé, puisque déjà j'y pense. Oui, mais... Enfin, voyons, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas parler. Mais ça va de soi, voyons. Quand on fait une chose, il faut la faire sérieusement, ou alors c'est pas la peine. Pas la peine. Allez, allons-y. Je vous demande pardon, mais par simple curiosité, je voudrais savoir pendant combien de temps nous devons normalement rester immobiles ainsi. 4 ou 5 minutes. Ah bon? Bon, ben, parfait. Tu es déjà fatigué, toi, peut-être? Ah non, du tout, mais ne connaissant pas les règles de ce jeu, je ne voudrais pas m'engager à passer la nuit dans cette position. Ne parlez pas, soyez gentil. Non, je ne dis plus mot. Ah! Quoi, non? Ah! Ben, j'ai senti quelque chose. Comment ça? Oui, dans le bras, dans tout le bras, je viens d'avoir comme un élancement. Tu as peut-être une crampe. Non, cela se produit quelquefois. Et c'est bon signe? Oui, généralement. Alors, taisons-nous. Ah! Ouais. Quoi? Ça commence. La table a craqué, j'en suis sûr. Tu ne l'as pas entendu, Fernand? Ah non. Ah non, ça, franchement, non. Maurice, je t'en supplie, tais-toi. Ah bah, encore. Cette fois, vous les avez entendus, je pense. Qui? Les esprits. Ah, les esprits? Ah, ça, c'est autre chose. Non, mais je reconnais que j'ai entendu un craquement. Tout de même. Oui, est-ce la table ou le dossier de la chaise? Ça... Tiens, ah, encore. Moi, je vous jure en tout cas que c'est la table qui vient de craquer, ça. C'est... D'ailleurs, monsieur, voulez-vous essayer de faire craquer le dossier de votre chaise? Ah! Mais non, monsieur, c'est la table qui vient de le faire encore. Les esprits vont parler à présent, je vous en réponds. Au prochain craquement, nous les questionnerons. Ça y est. Esprit, es-tu là? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oui. Oui. Veux-tu nous parler? Bon. Veux-tu dire qui tu es? Bon. Eh bien, tu vas épeler ton nom toi-même. A, B, C, D, E, F... Oh, bravo, oh, oh, oh. Ça n'est pas de ma faute. C'est dommage. Je suis rudement content que ça ne soit pas arrivé à moi. On aurait dit que je l'avais fait exprès. Je recommence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ah, ah. N. Ça commence par N. Bon, je continue. A. N-A. Na. C'est sûrement Napoléon. Pourvu que ce ne soit pas Nabucodonosor. Bon, je continue. A. B. C. D. A. Oui, ça fait... Ça fait N-A-D. Nad. A. B. C. D. E, F, G, H, I. Tiens. Ça fait Nadi. A. Ah mon Dieu, c'est maman. Comment ta mère? Maman s'appelait Nadia. Mais voyons, tu le sais bien. C'est toi, maman! Tu n'es pas si fort, voyons. C'est maman, j'en suis sûre. Ne vous énervez pas, madame. Oh. Nous allons le savoir tout de suite. Esprit qui est là. Es-tu la maman de madame Dalmasso? De quoi? Ah. Mais non, c'est non. Oh, quel malheur. Mais pourquoi? Je sais pas. Moi, ça m'aurait fait plaisir. D'avoir de ces nouvelles? Ah, mais je ne plaisante pas. Oh, mais moi non plus. Mais madame, voulez-vous ne pas parler, je vous en prie. Nous ne pouvons rien faire de sérieux comme ça. Tu es là, Nadia? Tu es là, Nadia? Nadia? Allô? Pardon. Elle vient de répondre. C'est peut-être une ancienne employée du téléphone. Oh. Bon, les sceptiques, c'est terrible. Tu es là, Nadia? Oui. Oui. Veux-tu parler à l'un de nous? Oui. À moi? Non, non. À monsieur Dalmasso? Non. Non. Alors, à madame Dalmasso? Oh. Non. Alors, à monsieur Roussel? Oui. À moi? Oui, oui. Enfin, bon, ben, soit par exemple, c'est sûrement une erreur, moi, car je n'ai jamais connu de Nadia. Je ne l'ai pas inventé. Je ne vous dis pas que vous l'ayez inventé, mais... Il n'y a qu'à lui demander ce qu'elle veut. Tu veux lui parler? Tu l'as donc connu? Bon. Veux-tu nous dicter un mot qui l'aide à se souvenir de toi? Je commence. A, B, C. A! Non, non, laissez-moi épeler moi-même. Non, non, je faisais A parce que j'avais entendu. Ah ouais, oui. Pardon. Alors nous disons C. C'est ça. Bon. Oui. Je continue. A. Oui. Oui. Bon, nous disons C, A. Continuons. A, B, C, D, E. E. Ça fait C, A, E. C'est pas du français, ça. Caen. Qu'est-ce que tu dis? Caen, la ville de Caen. Ça commence comme ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Est-ce Caen que tu veux dire? Oui. Eh ben, voilà, Caen. Elle vous dit quand? Elle est bien gentille, mais... Ça ne vous dit rien? Tu n'es jamais allé à Caen? Ben si, c'est là que j'étais en garnison. Ah. Eh ben alors c'est ça. C'est ça quoi? Ben non, je veux dire que vous avez dû probablement avoir une aventure à Caen. Une aventure? Mais quelle aventure? J'en sais rien, monsieur. Mais en tout cas, je peux vous donner ma parole d'honneur que je ne savais pas que vous aviez été en garnison à Caen. Et puis enfin, mon vieux, tu peux très bien avoir eu l'aventure à Caen. Et depuis le temps l'avoir oublié. Quand on a 20 ans, quand on est soldat, on couche à droite et à gauche, on va même... Non, je te demande pardon de parler de ça devant toi, chérie, mais enfin, tu n'es plus une jeune fille. On va même dans des maisons dont les pensionnaires portent souvent des noms qui ne sont pas les leurs. Cette Nadia s'appelait peut-être Carmen. Oui, ou Manon. Ou Mireille. Ou Mignon. Oui, car en somme, c'est très drôle. Et déjà, je l'avais remarqué une fois en passant devant l'opéra comique. L'affiche de la semaine donne parfois une impression assez étrange. On y propose Carmen, Louise, Manon... Il y a même la négresse, l'acmé. Alors, vous ne vous souvenez pas d'une Nadia que... Ah, du tout, Jérémy. Ah, et moi qui dois si bien en troupier de l'année 1900, offrant le bras dans la rue à une belle rousse bien en chair, car c'est ainsi que je vois Nadia. Oui, eh bien, mon ami, tu as de meilleurs yeux que moi. Ah, dis-nous si on faisait un petit poker maintenant pour se changer les idées. Oh, non, c'est trop intéressant, merci, continuons. Tu es mordu, toi. Mordu, non, mais moi qui n'y croyais pas, j'avoue franchement que je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire? Mais oui. Et ce qui est tout de même curieux, mon vieux, ce sont ces mots, ces noms qui se composent d'eux-mêmes. D'eux-mêmes? Mais oui, monsieur, oui. D'eux-mêmes. Je pense que vous ne me croyez pas capable d'une supercherie, qui n'aurait d'ailleurs aucun sens. Pourquoi irais-je me moquer d'amis qui me sont déjà si chers? Mais je ne vous accuse pas de supercherie, monsieur. Et je vous sens parfaitement convaincu que ces petits craquements ont une signification, que vous leur attribuez sans vous en rendre compte. Bah, en tout cas, cher monsieur, qu'ils aient un sens ou non, comment les expliquez-vous? Les craquements? Mais par la chaleur, tout simplement. Quelle chaleur? Mais la chaleur qui se dégage de quatre personnes et qui fait jouer le bois. Mes amis, c'est une chose parfaitement connue que le bois joue dès qu'on le chauffe. Je ne crois pas aux esprits, mais je crois à l'électricité. Nous sommes tous chargés d'électricité. Admettons que la chaleur fasse craquer le bois. Mais explique-moi donc comment il se fait que ces craquements se produisent de manière à composer des mots. Oui, je ne vois là qu'une série de petites coïncidences auxquelles j'ai bien le droit de l'attacher qu'une importance extrêmement minime. Je ne vous conteste pas ce droit, monsieur. Eh bien, tout est donc pour le mieux. Gardez vos opinions, je conserve les miennes. Voilà, parfait, très bien. Et ceci dit, continuons. Ouais. Eh bien, permettez-moi de m'abstenir. Oh non, non. Comme quoi, est-ce vraiment nécessaire qu'on soit quatre? Mais bien sûr, hein. En vérité, ce n'est pas nécessaire. Ah, ben alors. Ouais, j'aime mieux faire une réussite. Chacun ses goûts. Ça, c'est plus fort que tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle parle sans qu'on y touche. Ah, ben c'est superbe. Maurice, il faut répondre, voyons. Oui, allons-y. Est-ce que je peux lui parler moi-même? Oh, mais je vous en prie. Esprit, es-tu là? Oh, il me semble que la table s'est soulevée. Ah, ben alors vite debout. Esprit, es-tu là? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je lui demande? Demandez-lui s'il veut dire son nom. Est-ce que tu veux dire ton nom? Non. Non? Oh, ça, c'est curieux. Mais veux-tu parler? Oui. Alors, vous voulez parler sans dire votre nom? Oui. Mais ne leur dites pas, vous. Ah non? Non. Ça les froisse? Non, mais ils n'ont pas l'habitude. Bon, je commence, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. A. A. Ça fait ja. Continue. Oui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Ça fait jam. Oh, laisse-moi le faire un peu. Mais oui, mais ça n'est pas mauvais de changer pendant un mot. Non. Bon, alors, tu vas savoir le faire? Oh, bah voyons. Ah, tiens, du premier coup, tu vois? Ça fait jamais. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bah, ça fait jamais, allez. Mais il vaut mieux en être sûr. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Oui! Oui, c'est jamais. Jamais. C'est jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va le lui demander. Est-ce qu'on pourrait pas se rasseoir? Non, si, si, si. Est-ce bien le mot « jamais » que tu as voulu dire? Bon. Ce mot s'adresse-t-il à l'un de nous? Oui. Est-ce à Madame Dalmasso? Non. Est-ce à moi? Non. Ben, ça va être encore à toi, Fernand. Non, moi, c'est fini. Est-ce à Monsieur Dalmasso? Maurice, on ne parle, oui. Voyons. Ah oui, oui, pardon. C'est à moi. Mais oui, oui, oui, oui. Ah bon, bon. Quelqu'un te dit jamais. Mais qui est-ce? Demandez-le vous-même. Peux-tu dire maintenant ton nom? Oui. J'écoute. Mais non, il faut le lui faire appeler. Ah oui, c'est bon. Pardon. A, B, C, D. D. D. E, F, G... Non. Quoi? Non, recommencez. Bon, ah oui, on reparle. A. Ça fait da. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E. N. Ça fait dent. Danton. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tiens. Quoi? Rien. A, B, C, D, E. C'est Daniel. C'est vous, Daniel? Mais qui est Daniel? C'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Et c'est vous tout à l'heure qui avez dit le mot jamais? Oui. Oui, oui. Mais ne lui dites pas, vous. Hein? Mais je ne l'ai jamais tutoyé, ça me gênerait. Mais est-ce que ce mot avait le sens que je suppose? Je voudrais que vous nous laissiez seuls tous les deux. Si vous restez tout seul, je crains que vous ne puissiez pas obtenir de réponse. Ah. Bon. Alors, écoutez-moi, Daniel, et comprenez-moi à demi-mot. Puisque vous avez dit jamais, pouvez-vous me jurer que jamais la chose à laquelle je pense ne s'est passée? Oui. Écoutez-moi bien, Daniel. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous êtes en train de faire? Oh, enfants, vous devriez cesser ce jeu. Ah non, laissez-moi. Daniel, je m'étais complètement trompé? Oui. Oui. En ce moment, je pense une chose. Répondez oui ou non. C'est effrayant. Oui. Non, ne continue pas, Maurice, je t'en prie, c'est ridicule. Pourquoi est-ce ridicule? Mais parce que, crois-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Daniel dont je n'ai jamais entendu parler, moi? Je te dis que c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Mais qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Une chose très grave. Que tu m'avais caché? Oui, mon chéri. Quel genre de rapport aviez-vous? C'était un jeune homme que j'avais pris comme secrétaire. Et tu l'as tué? Pourquoi dis-tu que je l'ai tué? Mais pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas, tu lui as parlé tout à l'heure d'une si drôle de façon. Je suis désolé d'être involontairement responsable d'une contrariété que je... Non, ne regrettez rien. Ce que je puis vous dire, en tout cas, c'est que c'est fabuleux ce qui vient de se passer là. Fabuleux. Et ma foi, plutôt que de vous laisser imaginer des choses inexactes, je vais vous dire, moi, exactement ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et vous allez comprendre alors quelle émotion je viens d'avoir. Tu me permets, chérie? Mais je t'en prie. Bon, voilà, écoutez-moi. Je me suis marié à 22 ans. Ma première femme était la fille du docteur Briançon. Trois ans plus tard, m'étant associé avec Chardonneret, j'ai pris pour secrétaire son neveu, Daniel. Mmh. Oui. C'était un garçon très distingué, très fin, enfin, qui vous ressemblait un peu, tenez. Merci. Ah, oui. Tu t'en souviens, Fernand? Non, pas du tout. Ah, bon. Oui, en effet. Oui, c'était à l'époque des vacances, alors tu as pu très bien ne pas le connaître. Nous nous trouvions en Bretagne. dans une propriété que j'avais louée à Pont-Aven. Un soir, après le dîner, j'ai eu brusquement l'impression qu'il y avait ce qu'on appelle quelque chose entre ma femme et lui. Pourquoi raconter ça ? Pour libérer ma conscience. Ce n'était qu'une impression, je le répète, une sorte d'intuition. Mais vous savez ce que c'est qu'une intuition, n'est-ce pas ? C'est une chose terrible dont il convient de se méfier. Alors, ce soir-là, malheureusement, je n'ai pas pu maîtriser le sentiment que j'éprouvais. Je lui ai fait signe de me suivre dans le jardin. À elle ? À lui. Ah. Et là, brusquement, sans le laisser se disculper, sans même lui laisser le temps de prononcer un mot... Tu l'as tué ? Mais non, je ne l'ai pas tué. Pourquoi dis-tu ça ? Rien. Je ne l'ai pas tué, c'est odieux à la fin, rien. Sans lui laisser le temps de prononcer un mot, je le priais de s'en aller à l'instant même. Nous étions près du garage, je lui montrais du doigt sa voiture. Il sauta au volant et disparut dans la nuit. Je ne l'ai jamais revu. Il est parti 8 jours plus tard pour le Soudan. C'est là-bas sans doute qu'il est mort. Ah, il est mort? Ben évidemment, il n'y a pas de quoi rire, oui. Tu savais qu'il était mort? Je le pensais. Et c'est la première preuve que j'en ai. Oh! Oui. Malgré les dénégations formelles de ma femme, j'avais toujours conservé la certitude que ce garçon s'était tué par amour. Quelques années plus tard, nous avons divorcé, elle et moi, pour bien d'autres raisons d'ailleurs, et il ne m'arrivait pas 2 fois par an de penser à cette douloureuse aventure. Mais le fait qui vient de se produire me la remet en mémoire de la façon la plus troublante. Car ce garçon vient à l'instant de me jurer qu'il n'avait jamais, c'est ça, le mot jamais, qu'il n'avait jamais levé les yeux sur celle qui portait mon nom à cette époque. Oui, eh bien moi, mon ami, au risque de me brouiller avec toi, je te trouve tout bonnement stupide en ce moment. Hein? Voilà, tenez, où ça peut conduire des bêtises pareilles, cher monsieur. Bon, laissez-moi lui répondre. Libre à toi d'estimer que ce sont des bêtises. Mais libre à moi de penser que le fait qui vient de se produire est une manifestation de l'au-delà. Oh. De quoi? Pourquoi lever les bras au ciel? L'au-delà? Mais appelle ça comme tu voudras. Le destin, les esprits, le ciel ou l'au-delà, mais tu n'empêcheras pas que la vie nous apporte constamment le témoignage d'une puissance inconnue, supérieure à la nôtre. Ah, le voilà orateur à présent. Oh, mon pauvre ami, me remarque bien que ça ne me froisse pas. Seulement, je crois que tu es en train de mélanger les serviettes avec les torchons. Quoi? Et je ne sais pas si tu as le droit de confondre le spiritisme et le bon Dieu. Pourquoi n'aurais-je pas ce droit? Ben, dis ça à ton confesseur. Je n'ai pas de confesseur. Tu es pourtant catholique? Bien sûr, je suis catholique, tu le sais bien. Et tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Et je suis convaincu qu'il y a un au-delà. Ah, tu crois qu'il y a un ciel et un enfer? Parfaitement. Mais tu ne me l'as jamais dit. Mais je n'en faisais pas un mystère. Ah, ben, c'en est un tout de même. Donc, tu crois au ciel et à l'enfer, mais tu ne te confesses pas et tu ne vas pas à la messe. Non. Comme la plupart des vrais croyants, je ne pratique pas. Ah ben, c'est commode. Tu m'as l'air un peu d'un novateur, toi. Et dans ces conditions, j'aimerais bien savoir comment tu te représentes Dieu. Eh bien, justement, je ne me le représente pas. Voilà ma supériorité à moi. Mais qui t'a dit que je me le représentais? Oui, toi, c'est vrai, tu ne crois pas en Dieu. Ah non, mon cher Minon, pas encore. Tu ne crois pas à la vie éternelle? Oh, je ne crois à rien du tout. Eh bien, tant pis pour toi. Quant à moi, loin de m'être composé une religion à mon usage personnel, je pense tout simplement que l'au-delà est un mystère que nous ne pouvons pas éclaircir. S'il nous était possible de le concevoir même, il cesserait d'être l'au-delà. Et se faire une image de Dieu, c'est presque un sacrilège à mon humble avis. Tu vois jusqu'où je vais. Mon vieux, il y a une heure encore, je partageais ton opinion sur le spiritisme. Et tu m'en aurais pas fait parler sérieusement pour un empire. Pourquoi ? Parce que jamais jusqu'ici, je n'avais assisté à une manifestation quelconque de ce qu'on appelle les esprits. Et bien que je ne sois pas pratiquant, j'éprouvais même une sorte de gêne à penser que des gens pouvaient y découvrir une nouvelle preuve de l'existence de Dieu. Mais ce qui vient de se passer là me donne à réfléchir, je l'avoue franchement. Et contester à Dieu le pouvoir et le droit de se manifester à nous comme il l'entend, c'est ça qu'à présent j'appelle un enfantillage et une absurdité. Oui, mon vieux, seulement c'est avec des idées comme celle-là, c'est avec des conversations de ce genre qu'on passe des nuits blanches et que le lendemain, à son réveil, on est crevé de fatigue. Il est 1:35, c'est l'heure où les gens qui ne croient pas à l'au-delà vont se coucher. Bonsoir, ma chère amie. Bonsoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Et quant à toi, écoute-moi bien, comme tu n'es pas actuellement en état de parler de choses sérieuses, je ne te dirai qu'un mot concernant ce que tu sais. Mm-hmm. Santonès sera dans mon bureau demain à 2 heures. Je te conseille de venir, il y a 3 hypothèques. Alors tu penses, ça serait idiot de rater ça. À demain, et tâche de dormir. Oui, à demain. Tu m'en veux? Pas du tout. Je suis bien désolé d'avoir été involontairement la cause de cette discussion. Moi, pas du tout. Oh, tu es fatigué, toi. Non, je me sens simplement un peu nerveux, agacé. Et ce que tu as pu fumer ce soir, c'est effrayant. Plus de 20 cigarettes. Je ne connais rien qui soit plus exaspérant que les gens sceptiques. Mais calme-toi, je t'en prie. Tu vas prendre un tilleul pour me faire plaisir. Un tilleul? Ah non, quelle horreur. Oui, mon chéri, c'est une horreur, seulement ça fait tomber les nerfs. Tu dors déjà si mal. Mais Ernest n'est donc pas là? Il est sorti, madame. Il est sorti? Oh, il y a plus d'une heure, oui, madame. Comment sorti? Mais oui, monsieur. Mais sans même avoir retiré son couvert? Eh ben, il ne fera même pas ses 8 jours. Je veux qu'il s'en aille immédiatement, tu entends? Immédiatement! Mais oui, mon petit, mais oui. Ah, tout de même. Quoi, mon petit? Mais oui, quoi. Mais ne me réponds pas comme un malade. Je ne veux pas qu'il reste une heure de plus ici, tu entends? Mais comment veux-tu que je le mette dehors, il y est? Où ça? Mais dehors! Ah. Attends, au moins qu'il soit rentré pour le mettre à la porte. Faites tout de suite un tilleul pour monsieur. Bien, madame. Vous y croyez, vous, au tilleul? Je suis insomniaque moi-même et je ne crois qu'à une chose. À ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma foi, je n'en sais rien. Je ne sais jamais ce que je prends. Je suis soigné depuis 10 ans par un homéopathe et je m'en félicite tous les jours. Hein? Dès qu'on sait ce qu'on prend, dès qu'on connaît le dosage des médicaments qu'on absorbe, ils ne vous font plus d'effet. Il faut se faire soigner les yeux fermés. Excepté par les oculistes. Oh, ces domestiques qui s'en vont maintenant au milieu de leur service. Mmh. Pardon, vous dormez peu ou mal? Hein? Je dors mal et très peu. Eh bien, mon cher, n'hésitez pas. Prenez 2 de ces petites pilules et vous allez dormir comme un ange. Vous croyez? Ah, j'en suis sûr. Pas dangereux, hein? Dangereux? Oh, j'en prends tous les soirs. Allez, prenez-les avec votre tilleul et si vous ne dormez pas 8 heures cette nuit, je vous donnerai demain un beau billet de 1 000 francs tout neuf. Mais qu'est-ce que vous lui donnez là? Je lui donne 2 petites pilules, madame, qui vont le faire dormir comme il n'a peut-être jamais dormi de sa vie. C'est pas du véronal? Non, madame, ça n'a pas de nom, c'est de l'homéopathie. Mais soyez sans aucune crainte, j'en prends tous les soirs. Eh bien, allez-y. Marcel, si je meurs, tu raconteras bien exactement les choses comme elles se sont passées. Oh, voilà des plaisanteries à ne pas faire, allons. Je vais les prendre une par une. Hein? Mais pourquoi? Je préfère. Ah, il faut en prendre 2. Je prendrai l'autre dans une minute. Boum! Bigre de boum! Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, ça brûle horriblement. Comment ça brûle? Ah, oui. Mais c'est votre tilleul qui brûle. Ah ben, le tilleul, ça ne brûle pas. Non, mais l'eau bouillante, ça brûle. Vous avez avalé tout d'un coup la tasse. Touchez la théière, voyons. Ah oui, oui, c'est possible. Ah, mais c'est certain. Si tu allais te coucher maintenant? Ben, dans 10 minutes. Mais pourquoi? Si le sommeil doit venir, il vaut mieux que tu l'attendes dans ton lit, vous ne croyez pas? En effet, ça vaudrait mieux. Dans 1 minute, j'y vais. Alors, cette impression de brûlure? Elle est passée, merci. Bien, bien. Alors, avalez la seconde pilule, maintenant. Oui, redonnez-moi du tilleul. Voilà, monsieur. Est-ce qu'il a pu m'agacer, ce Fernand? Mais c'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est fini, mais il m'agaçait tout de même. C'est idiot, ce qu'il disait. D'ailleurs, peut-on ne pas croire en Dieu? Le fait est. Comment dites-vous? Je dis le fait est. Ah bon, vous y croyez, vous, en Dieu? Oh oui, monsieur. Eh bien, je vous en félicite. Ah. Le fait seul de nier son existence est, à mon avis, déjà un aveu. Mais ne t'énerve pas, moi, je ne m'énerve pas. Mais on s'énerve quand on discute. On n'en discute pas en ce moment, on bavarde. Non, mais comment ne pas croire à l'au-delà? Hein? Comment ne pas croire à la survie? Quant à ceux qui doutent du paradis, c'est qu'ils redoutent qu'il y ait un enfer. C'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Et tenez, voulez-vous que je vous dise, si vous m'avez tout à l'heure empoisonné avec vos petites pilules, eh bien j'irai sûrement au paradis. Oh, pourquoi que monsieur dit ça? Monsieur plaisante, laissez-nous, je vous prie. Bien, madame. Oui, j'irai au paradis, parce que vous m'entendez, moi, jamais je n'ai commis une vilaine action, moi, jamais. Oh, j'ai pu faire une erreur, j'ai pu me tromper. Mais sciemment, je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai la conscience pure, moi. Et même tout petit, j'ai toujours été un doux. Un doux? Un doux, oui, un doux. Un doux, un doudou, doudou. C'était mon grand-papa qui m'appelait comme ça, oui. Il disait, ah, voilà, un doudou. Il portait de grandes capes, mon grand-père. Pas le vôtre? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est drôle. Ben, voyez-vous, pour moi, un grand-père qui n'a pas de cape, ça n'est pas un grand-père. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que ce pauvre Galilée ne se trompait pas. Oh, c'est effrayant ce qu'elle peut tourner vite en ce moment, la Terre. Oh là là. Oh, ce que ça tourne. Oh. Oh. Ça y est. Ça y est. qui s'endort. Un coin du paradis. Maurice Dalmasso. Industriel français, né à Cherbourg le 18 avril 1888. Mort à Paris le 8 janvier 1933. Soyez le bienvenu, mon fils, au paradis. Vous voici désormais parmi les bienheureux. Vous êtes arrivé tout droit au paradis, ce qui est exceptionnel, parce que vous n'avez sur la conscience aucune mauvaise action. Votre existence fut pure d'un bout à l'autre. N'est-ce pas? Mais oui, vous en êtes aujourd'hui récompensé. Asseyez-vous. Merci. Avant de me poser les innombrables questions qui vous brûlent les lèvres, ça je le sens, je vous prie de bien vouloir me raconter votre mort. Avec le plus grand plaisir. Mais pourtant, je voudrais savoir, si la chose est possible, à qui j'ai l'honneur de parler? À Saint-Antoine de Padoue. Ah? Oui, oui, dispensez-vous de toute allusion concernant les objets perdus. Ah? Oui. Pourquoi? C'est faux? Oh, c'est enfantin. Mais d'où peut venir cette légende, alors? Ouf, alors ça, je n'en sais rien. Votre mort. Ma mort? Oui. Nous avions passé la soirée à la maison avec ma femme, un très vieil ami à moi et un jeune avocat que je connaissais depuis fort peu de temps. Donc, nous étions quatre. Oui, ça, je sais compter. Excusez-moi. Une conversation assez animée que nous venions d'avoir en dînant nous conduisit à faire des tables tournantes. Mmh. À l'instigation de ce jeune avocat, je dois le dire. Mmh. Mais me permettez-vous d'ouvrir une parenthèse? Oh. Alors là, je vous en prie. Mais avez-vous ici un garçon qui se nomme Daniel Chardonneret? Daniel Chardonneret? Non. Vous en êtes sûr? Oh oui. Pardon. Continuez, mais ne prenez pas la peine de me fournir trop de détails que je connais. Ah? Oui, les tables tournantes, votre énervement personnel, votre discussion théologique avec votre vieil ami, votre crainte ensuite de ne pas dormir... Le tilleul que votre femme vous proposa, les deux pilules qu'on vous fit prendre... Mais alors pourquoi me demandez-vous de vous raconter ma mort si vous savez comment la chose est arrivée? Ah, parce que je ne sais pas si vous ne l'ignorez pas, vous. Ils m'ont empoisonné? Oui. Exprès? Bien entendu, voyons. Ça aurait pu être un accident. Non, c'est un crime. Remarquez bien que j'en ai eu tout de suite l'impression lorsque je me suis senti partir et que j'ai vu leurs deux visages anxieux penchés sur moi. Mais cependant, je conservais le vague espoir d'un accident. Ils m'ont empoisonné. Oh, c'est effrayant. Ce n'est pas bien. Ah non, ce n'est pas bien. Je vous trouve même indulgent. Oh, nous avons tellement l'habitude. Ah, et il s'en commet beaucoup de crimes? Sur la terre? Oh, beaucoup. Et de cette espèce-là, surtout. Les crimes conjugaux sont les plus répandus. Car pour nous, le crime commence même avant le désir de voir disparaître son conjoint. N'est-ce pas, il y a certaines assurances sur la vie qui ne sont pas toujours contractées de plein gré, qui ressemblent à des assurances sur la mort et qui nous font déjà dresser l'oreille. Voyez-vous, le fait seul de prévoir la mort de quelqu'un, d'en parler, d'y penser, et de se faire à cette idée, nous considérons, oui, que c'est un péché mortel. Mortel aussi, d'ailleurs, pour la personne en cause. Mais dites-moi, ce genre de criminels dont nous parlons, sont-ils en général guidés par l'intérêt ou par l'amour? Oh, surtout par l'intérêt. Oh, quelle horreur! Mais ma femme, c'est par amour qu'elle m'a tué. Elle, c'est par amour. Ah bon? Vous préférez cela? Ah, de beaucoup. Ah. Je dois dire qu'il est charmant. Qui? Ce jeune homme, oui. Oh, il est bien mieux que moi. Et pourtant, vous allez me trouver naïf, je ne croyais pas ma femme capable de me faire assassiner. Je pensais bien qu'un jour elle me tromperait. Vous savez ce que c'est qu'une femme, n'est-ce pas? Oh, excusez-moi. Mais m'assassiner? Ah non. Est-ce que vous savez si mon enterrement était bien? Attendez, voyons, qu'est-ce qu'on disait au rapport ce matin? Oui, décent. Oui, je vois ça, oui. Le strict nécessaire. J'en suis pas surpris, car je me suis aperçu tout à l'heure, en montant, qu'elle a fait une chose incroyable. Ah. Oui, j'avais deux habits noirs. Un d'il y a 3 ans et un de cette année. Elle m'a mis le vieux. Et quant à ma cravate, elle n'est pas nouée, elle est ficelée. Oh, les cravates des morts sont toujours très mal faites. Évidemment, c'est difficile. On ne les aide pas. Est-ce qu'ils sont heureux? Quoi, les morts? Non, ma femme et ce jeune homme. Oh, aujourd'hui, tiens, pardi. Mais d'ici quelques jours, vous allez leur manquer. Vous croyez? J'en suis sûr. C'est ce qui se passe généralement. Supprimez d'un triangle un des trois côtés. Il s'effondre. Le personnage principal, c'est le mari. Un amant sans mari cesse d'être un amant. Il est quand même aimé. Ah oui, mais différemment. Ce que les femmes aiment surtout, c'est préférer. Ça, ils vous regretteront sûrement, ça, vous verrez. Je verrai. Je verrai. Oui, vous le verrez peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez plus tard. Vous n'espérez pas tout savoir le premier jour. Ah si, j'aimerais tout savoir, car c'est passionnant. Au moins, pouvez-vous me dire ce que vous êtes ici, vous, Saint-Antoine? Eh bien, je suis pour le moment directeur. Directeur? Mm-hmm. C'est superbe. Ah, mais nous le sommes à tour de rôle. Nous? Non, nous, les saints. N'êtes pas un saint. Oui, je le regrette assez. Mais vous le deviendrez peut-être un jour. Moi? Comment ça? Je vous l'expliquerai. Oh, vous êtes cachotier. Ah, alors ça, c'est mon devoir. Mais, première question d'abord à vous poser. Question primordiale. Le bon Dieu. Ah, ça, vous m'en aurez parlé pour la dernière fois. On n'en parle jamais. Mmh. On ne le voit jamais. Mmh. Mais vous le voyez? Oh, tous les jours. Et vous ne pouvez pas m'en parler? Mais non! Oh, ça, c'est bien dommage. Alors, le paradis, ce qu'on en peut savoir, voulez-vous me le dire? Mais oui, alors questionnez-moi. C'est très compliqué. Mais quoi donc? La vie éternelle. Oh, pas le moins du monde. Et comme règlement? Oh, ça n'y en a pas. On vit, tout simplement. Qu'est-ce qu'un mort peut demander de plus, hein? Oui, enfin, en somme, on mange, on dort. Oui, on peut dormir, on peut manger des fruits. Ah oui, mais attention. À quoi? Et aux fruits. Il ne faut pas toucher aux pommes. Je pense. Ah non, alors ça, laissez de côté cette vieille légende, ça je vous en prie. Ah bon, c'est faux aussi? Mais bien sûr. Oh. Donc, on se promène, on se repose, on bavarde beaucoup. On bavarde? Oui, ça, inépuisablement. Vous aimez parler? J'aime bien lire aussi. Ah ben, il n'y a pas de livre. Oh. Seulement, vous avez ici des gens de tous les pays, de toutes les époques. Ben, vous n'avez qu'à les feuilleter, si je puis dire. Ça tient lieu de lecture, croyez-moi. Et vous allez en apprendre des choses, mon enfant. L'histoire ne m'a jamais beaucoup passionné. Ah ben, tel qu'on vous l'enseigne sur la terre, pardi. Ben, oui, mais quand vous saurez la vérité sur toute chose, ça, nous en reparlerons. Quand vous saurez ce qu'est devenu Louis XVII, quand vous saurez qui était le masque de fer, quand vous saurez pourquoi les guerres se déclarent... Évidemment. Il n'y a pas que les faits historiques. Ah non? Et si vous aimez les romans d'aventure et d'amour, vous demanderez à n'importe qui de vous raconter sa vie. Et alors, vous en apprendrez belle. On ne peut pas mentir au ciel, ça, vous comprenez? Oui, je comprends. Il n'y a ni vanité, ni fausse modestie, alors tout change. Avoir été trompé, volé, trahi... C'est une honte ici pour le voleur, pour le traître et pour l'infidèle. Oui, c'est le paradis. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Faut compter en moyenne une femme pour deux hommes. C'est comme sur la terre. Oui, mais vous ne voyez pas de femmes ici. Ah non? Ah, jamais, nous sommes séparés des femmes. Oh, c'est décidément le paradis. Oui, mais c'est ce qu'elles disent aussi d'ailleurs. Ah oui? Mm-hmm. Et je m'aperçois d'une chose bien flatteuse pour moi français, c'est que c'est notre langue qu'on parle ici. Comment, mais pourquoi dites-vous ça? Mesdames, parce que... Vous croyez que nous parlons français en ce moment? J'en suis même certain. Ben, vous êtes dans l'erreur. Je parle une autre langue en ce moment que le français? Mais bien sûr. Oh, ça, c'est inouï. Nous parlons la langue des morts. Et pour l'apprendre, alors? Eh bien, il suffit d'être mort. Oh! Mm-hmm. Ah ben alors, si vous voulez voir un homme étonné... Oh, alors ça, vous n'êtes pas au bout de vos étonnements. Ah. Est-ce que nous sommes très nombreux? Mais, voyons, qu'entendez-vous par très nombreux? Je veux dire, des millions? Non, quelques centaines de mille. Pas davantage? Mais où sont les autres, alors? En très grand nombre, au purgatoire. Et en enfer? Oh, il y en a moins en enfer. Et le reste est ailleurs. Ailleurs? Oui, je vous expliquerai ce que cela veut dire. Ah non, vous m'intriguez, grand Saint-Antoine. Expliquez-le-moi tout de suite. Il n'y a pas que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Non, il y a la terre. La terre? Mais nous en venons de la terre. Et vous y retournez? Nous y retournons? Tout le temps. Il y a comme un roulement. Alors là, vous avez dit le mot. Quelques-uns viennent ici directement, certains vont en enfer, et presque tous vont au purgatoire. Oui. Quand ils ont expié leur faute au purgatoire, ils arrivent au ciel, et de là, selon nos besoins, nous les renvoyons sur la terre. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, je m'en doutais un peu. Et pourquoi faites-vous ça? Pour que l'humanité s'améliore à la longue. Et elle s'améliore? Presque sensiblement, mais sans cesse pourtant. Allons donc. Oui, seulement, quelle lutte! Je pense, l'âme humaine est pourrie, n'est-ce pas? Pourrie, c'est exagéré car le fond n'est pas mauvais. Mais hélas... Il y a sur la Terre 220 000 monstres. 220 000 ? Exactement, qui tiennent tout le bonheur du genre humain et qui en profitent pour faire son malheur. Quels sont-ils ? Ben, tous ceux qui vendent de l'argent et qui se font payer en or. Supprimez-les ! Ouh, si nous le pouvions ! Mais soyez convaincus qu'un jour l'humanité sera parfaite. Et ce jour-là, il n'y aura plus ni enfer, ni ciel, ni purgatoire. Le paradis sera sur la terre. Vous prévoyez une date? Oui, dans 5 millions d'années. Oh là là là là là là. Le temps passe si vite. Alors faites du bon travail quand vous irez sur terre et vous écourterez cette longue échéance. Et quand m'enverrez-vous sur la terre? Quand le moment viendra. Vous y posez des conditions? Ah, bien sûr. Tenez une, surtout, sine qua non. Dites-moi laquelle? Interdiction formelle, absolue, de dire, de laisser même entendre ou supposer que l'on revient sur Terre pour la deuxième fois. Car c'est le grand secret. Je le comprends très bien. Mais si le grand secret, par malheur, vous échappe... Ben, à l'instant même, on est puni. Sévèrement? Terriblement. Aïe. C'est l'enfer. Ben, bien entendu. Après... On est puni d'abord autrement? Sur la terre. Hein? Et quelles sont les autres conditions que vous posez? Ben, on vous laisse le choix de l'âge, du pays et de la profession, mais vous ne pouvez reprendre la même profession que si vous changez de pays. Mais si je change de profession... Alors là, vous pouvez retourner dans le même pays. Ah bon? Mais vous ne devez naturellement reconnaître personne, de même que vous devez changer de visage pour n'être pas reconnu. Bien entendu, mais c'est très intéressant. Et vous mourrez d'envie d'y retourner déjà? Ma foi, je l'avoue. Mmh. Je voudrais bien ne pas manquer mon tour. Ah, ça, vous ne le manquerez pas. Comment le roulement s'établit-il? Selon les nécessités. Il y en a de toutes sortes. Nous envoyons sur la terre des êtres aptes à conjurer les grands malheurs et les petits. On ne le dirait pas, n'est-ce pas? Ah non. Parce que vous ne voyez que ceux qui se produisent. Si vous saviez combien nous en évitons. Mais, dites-moi, ceux que vous envoyez sur la terre... Ce sont des hommes purifiés, mais que nous n'obligeons jamais à y retourner plus d'une fois. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est le verbe obliger. Ah. Vous ne devez pas avoir à les y obliger. Je pense que d'eux-mêmes, ils y vont. Oh, la première fois, presque tous sont heureux d'aller revoir la terre et de revivre encore. Mais quand ils nous reviennent, quand ils se sont aperçus que la seconde épreuve est souvent la plus rude et la moins agréable, ils ne veulent plus jamais qu'on leur en parle. Et cependant, leur expérience doit les servir, doit les aider. Mais bien entendu, mais ils revivent sans plaisir, et sitôt leur mission terminée, ça, ils n'ont plus qu'un désir, c'est de s'en retourner. Les gens que vous voyez sur la terre, qui sont là vers le soir, qui comptent les étoiles, qui se promènent seuls, qui caressent les bêtes, qui leur parlent tout bas, et qui meurent très vite entre 35 et 50 ans. Allez, c'est qu'ils en sont à leur second voyage. Aucun ne demande à y retourner 5 ou 6 fois. Oh, mais si, heureusement. Et au 5e voyage, ils sont canonisés. Quels sont ceux qui y retournent le plus volontiers? Les simples d'esprit. Tandis que les gens supérieurs... Oh, ça n'y tiennent pas beaucoup. À ce propos, est-ce qu'il y a beaucoup de grands hommes au paradis? Ah, ça, nous avons tous les hommes de génie. Mais je vous avertis qu'à ce sujet, nous ne sommes pas toujours d'accord avec vous. Et je crois que vous aurez des surprises. Tant mieux. Vous êtes très sévère. Ah, quant au génie, bien sûr. Ce qui nous permet en revanche d'être indulgents pour les péchés qu'ont pu commettre les grands hommes. Mais moi qui ne suis ni un saint ni un homme de génie, pourquoi ne suis-je pas allé du tout au purgatoire? Assassiné? Ah! Ainsi, l'assassinat... Tient lieu le purgatoire. Ah, ben ça, c'est parfait. Il faut bien que ça ait un petit avantage, en effet. Alors, je vais voir Henri IV. Évidemment, et puis Louis XVI. Louis XVI aussi? Mais bien entendu, et puis tant d'autres. Henri III, Coligny, le duc de Guise... Oh, ça, alors, vous ne pensez qu'aux assassinés? Oui, c'est vrai. Bon, non, vous verrez Richelieu... Pascal. Galilée. Christophe Colomb. Non. Ah non? Il a pourtant découvert l'Amérique. Ben oui, justement. Tenez, il y en a un que j'aurais bien aimé voir. Qui c'est? Napoléon, pardi. Mais malheureusement, il ne doit pas être ici. Mais pourquoi dites-vous ça? Il a fait tant de mal. Ça n'est pas notre avis. Ah non? Non. Ça, je vous répète que nous n'avons pas toujours les mêmes opinions ici que sur la Terre. Eh bien, voyez-vous, Louis XVI et Napoléon, je les aurais crus au purgatoire. Ah oui, eh bien, le Temple et Sainte-Hélène, nous appelons ça le purgatoire, nous autres. Attendez, si vous voulez voir Louis XVI, le voilà qui se promène avec sa tête sous son bras. Vous voulez-vous lui parler? Ah non, oh là là, non, j'aurais trop peur d'entendre cette tête me répondre. Et entre nous... Si j'ai le droit d'exprimer un désir, c'est plutôt Napoléon que j'aimerais bon, voir. Bon, eh bien, un jour, vous le verrez. Bientôt? Dans quelque temps. Et est-ce qu'il ne retournera jamais sur la Terre? Mais il y est en ce moment. Anne, ne me questionnez pas, voulez-vous? Mais pouvez-vous me citer quelques noms de grands hommes qui soient retournés sur la Terre? Oui, Raphaël. Raphaël? Tiens. Et qu'est-ce qu'il a été la seconde fois qu'il est allé sur la Terre? C'était Mozart. Oh, eh bien, ça ne m'étonne pas. C'était invraisemblable qu'il eût à 5 ans tellement de génie. Il en restait de l'autre, évidemment. Voilà. Mais comme c'est dommage qu'il y soit resté si peu de temps. Ah, le même temps que Raphaël, peu de choses près. Mais pourquoi n'est-il pas resté davantage? Ah ben, c'est nous qui l'avons rappelé. Pourquoi si vite? À 35 ans? Parce que... Il avait été indiscret. Et il avait dit qu'il venait du ciel. Non! Alors? Mais on commençait à le deviner. Tenez, alors maintenant, je vais vous faire conduire à l'endroit où l'on va vous passer la robe blanche des bienheureux. Ah oui? Mais oui, qu'est-ce que vous avez? Saint-Antoine. Eh bien? Je voudrais m'en aller. Mais vous en allez? Oui, je voudrais ne pas attendre mon tour. Je voudrais y aller tout de suite. Mais où ça? Mais sur la Terre. Mais mon ami, mais c'est impossible. Impossible, voyons, ne me dites pas ça, puisque vous êtes le directeur du paradis. Ne me le refusez pas, pour l'amour du bon Dieu. Laissez-moi m'en aller. Non, vous vous trouvez donc mal, ici? Mais non, c'est magnifique, et vous êtes charmant. Merci. Henri IV, Louis XVI, et Mozart, et le masque de fer, c'est merveilleux, c'est passionnant. Mais, dans le fond, ça m'est égal, j'aime mieux m'en aller. Et je ferai du très bon travail pour vous, là-bas, je vous le jure. L'amélioration de la race humaine m'intéresse beaucoup plus que l'histoire de France. Soyez gentil, grand Saint-Antoine. Mettez-moi bien vite à la porte. Faut-il que je vous le demande à genoux? Non. Si, ça fait rien, c'est mon vieil habit, ça m'est égal. Non. Alors, vous voulez bien le pauvre assassiné, hein, laissez-le partir. Alors partez. Ah. Et tenez, mettez dans votre poche cette petite médaille. Elle vous portera bonheur. Merci. Mais vous savez... Je sais. Oh. N'ayez pas peur, jamais personne ne saura que c'est moi. Je suis le plus discret des hommes, je vous le jure. À bientôt, peut-être. Ah, voulez-vous réfléchir un instant? Pourquoi faire? Voulez-vous m'écouter? Vous savez que vous risquez l'enfer. Oh, ça m'est égal, je veux vivre encore. Vous allez peut-être souffrir. Oui, mais je risque aussi de m'amuser comme un fou. Alors, adieu. À nouveau, le salon des Dalmasso. Marcel, en grand deuil, est assise sur les genoux de Claude. Madame. Quoi? Il y a un valet de chambre qui vient se présenter. Mais qu'il entre. Bien, madame. Je t'adore. Oh, je t'adore, mon Claude. Oh. Mais entrez, mon ami. Vu que ma barbe ne se voit pas trop. Approchez. Ah, il est bien. Ah oui, il ne manque pas d'allure. Ils n'ont pas l'air de remarquer ma barbe. Alors, mon ami, vous êtes libre en ce moment. Oui, madame. Bon, et où étiez-vous placé? Où j'étais placé? Mm-hmm. Il ne faut pas que je me coupe. Oui, enfin, d'où venez-vous, quoi? D'où je viens? Ah non, ça, jamais. Non, ça, je ne peux pas le dire. Mais comment vous ne pouvez pas le dire? Il faut tout de même que je sache quelle a été votre dernière place. Ma dernière place? Oui, enfin, je suis obligée de vous demander chez qui vous étiez. Chez moi, madame. Vous étiez chez vous? Oui, madame. Ah, je comprends. Vous étiez riche. Oui, madame, j'étais très riche. Et ma maison ressemblait étrangement à celle-ci. Oui, eh bien, voilà des choses qu'il ne faut pas que je dise. Et vous n'avez plus rien? Plus rien du tout, madame. On m'a tout pris. Oh, encore une victime de la crise, c'est terrible. Et vous êtes obligé de vous placer maintenant. Je vous plains de tout mon cœur. Mais d'autre part, si vous vous placez pour la première fois, c'est peut-être inquiétant, non? Pour qui, madame? Pour vous, pour le service. Quand on a toujours eu des domestiques, madame, et que pendant 20 ans, on leur a dit « Faites ça comme ça, ne faites pas ça comme ça », je crois, j'imagine, enfin je pense qu'on doit pouvoir tout faire soi-même. Oh, c'est possible, après tout. Et ma foi, je veux bien vous essayer. Tu n'y vois pas d'inconvénient, mon chéri? Oh, mais non, du tout, mon amour. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est moi, madame. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne me parle pas de ma barbe. Demande-lui ce qu'il veut gagner. Ah oui, c'est vrai. Et comme gage, qu'est-ce que vous demandez? Je ne veux pas d'argent. Hein? Pas d'argent? Non, madame. Qu'on me nourrisse et ça me suffira. Oh, mais c'est un saint, cet homme-là. Oh, presque, monsieur. Et qu'on m'habille aussi. Si madame avait par hasard un habit noir un peu moins usagé que celui-ci... Mais oui, justement, j'ai ce qu'il vous faut. Hein, mon chéri, comme j'ai bien fait de lui mettre le vieux. Je vous dirais que je viens de perdre mon mari. Oui, je vois bien. Vous voyez quoi? Ses voiles noires. Oh, c'est flatteur, n'est-ce pas? Eh bien, à peu de choses près, il devait avoir la même taille que vous, mon mari. Oui, la même minceur. Et ma foi, le même âge. J'ai 43 ans. Non! Mais si, madame. Oh! Ça alors, c'est exactement le même. Est-ce que c'est drôle? Comment, si c'est drôle, madame? Mais c'est à crever de rire. 43 ans, c'est jeune pour mourir. Oh, c'était surtout trop jeune pour le laisser. C'est vivre. Pas, mon amour. Oh, oui. Il était très malade, votre mari, madame? Oh non, non. Il était en acier et fait pour vivre au moins 100 ans. Alors comment se fait-il qu'il soit mort? Il est mort. Accidentellement. Accidentellement, vous voyez-moi ça. Et c'est vous qui userez son habit noir, et ses chemises aussi d'ailleurs, et ses faux cols, et ses chaussures. Et comme cet appartement rappelle le mien, je serai ici comme chez moi. Ah oui, je crois que vous êtes tombé dans une bonne place. Ah oui, comme qui dirait le paradis. Ah ça, le paradis. Est-ce que vous êtes marié? Non, j'étais marié. Ah, vous êtes veuf? Non, c'est le contraire. Le contraire? Non, je m'exprime mal. Enfin, je suis tout seul. Ma femme m'a trompé. Ah. Oui, avec un imbécile. Oh, vous savez l'intelligence pour faire ça. Évidemment. Si elle ne vous aimait pas. Oui, mais moi, je l'aimais. Oh, alors ça devait être encore plus pénible pour elle. Il faut être juste, vous savez. On nous reproche souvent d'être infidèles, nous les femmes. Mais les hommes ne savent pas ce que c'est, ne peuvent pas savoir ce que c'est que de faire l'amour sans en avoir aucunement envie. Quand un homme n'en a pas envie, ne le fait pas, dame. Tandis que nous, nous n'avons pas de raison de nous refuser. Bien sûr. Malheureusement, la plupart des femmes n'ont pas le courage de tuer leur mari au lieu de les faire souffrir. Ainsi, vous voyez, la vôtre vous a trahi. C'est probablement à cause d'elle que vous êtes ruiné. Vous vous placez comme valet de chambre et je vois bien que vous souffrez. Eh bien, entre nous, vous seriez bien mieux mort. Ah, le fait est... Comment vous appelez-vous? Non, pas Maurice, non. Paul! Mais qui appelez-vous? Moi? Je m'appelle Paul. Bon, alors on va vous montrer votre chambre maintenant. Oh, mais il la verra ce soir, sa chambre, il a tout le temps. Qu'il nous donne plutôt du porto, tu veux bien? Mais oui, mon amour. Du porto. Oui, s'il vous plaît. Oui, du rouge. Il n'y en a pas d'autre. Mais comment le savez-vous? Hein? J'ai aperçu la bouteille dans l'office. Ah, madame. Bon. Il faut que je me surveille, mon Dieu. Oh, je t'aime. Oh, je t'adore. Oh. Et comme on a bien fait d'empoisonner Maurice. Ah, quel dis-tu? Mais à toi, qui hésitais? Oh, que tu es méchant. Non, non, ne dis pas cela. Non, non, ça, j'ai pas hésité. Oh, comment? Pendant deux jours. Mais c'était pour nous que j'hésitais. C'était pour nous que j'avais peur. Nous pouvions être soupçonnés. Mais bon, en tout cas, nous ne l'avons pas été. Non, tout s'est magnifiquement passé. Et comme je me félicite aujourd'hui de t'avoir laissé faire. Comme ça aurait été cruel de faire souffrir Maurice, comme souffre ce malheureux qui vient de nous ouvrir son cœur. Ah, oh. Tu as fini par le comprendre. Oui, oui, je croyais que c'était uniquement par amour pour nous que nous l'avions tué. Je m'aperçois que c'était aussi par pitié pour lui. Dame, raisonnons. Une femme achève son mari parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. Et 8 fois sur 10, elle est acquittée. Et une femme qui n'aime plus son mari n'aurait pas le droit d'abréger ses souffrances morales, mais ce serait illogique, car enfin, n'être plus aimée, c'est un mal également incurable, mais non? Mais ton raisonnement est criant de justesse. Ajoutons que Maurice fumait en outre un tabac détestable et qu'il était devenu lui-même extrêmement ennuyeux. Et puis bavard. Et tatillon. Et encore toi, tu ne le voyais qu'une heure ou deux tous les 3 jours. Mais moi, moi qui l'avais sur le dos à chaque repas et 3 soirées entières par semaine, pense donc. Tu sais, Jean-Jean. Je ne pouvais plus. Les gens ne comprennent donc pas quand ils devraient s'en aller. C'est admirable, ces pilules que tu as. Tu les as mises de côté. Oh, tu penses? Tu les as pas jetées, sûrement. Jetées? Mais tu plaisantes, voyons. Je les ai là sur moi. Ah, ça, tu as peut-être tort de les avoir sur toi. Hein? Si tu étais tout à coup inquiété, arrêtée, sait-on jamais. Si on les trouvait dans ta poche, ce serait notre condamnation certaine. Donnez-moi vite, allez, allez. Oui, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Les cacher, allez, donne-les-moi. Eh bien, oui, ben, tantôt. Non, non, pendant qu'on y pense, donne-les-moi. Je vais les mettre là. Et tout à l'heure, je les rangerai dans mon coffre, ou mieux encore, dans mon armoire, sous mes chemises. Mes belles petites chemises toutes plissées que tu aimes tant. Mais dans le fond, nous ferions peut-être mieux de les jeter dans un égout. Ah non, jamais de l'avoue, tu es fou, voyons, ça peut servir. Tu y prends goût, chérie, que j'aime. Ah, tu dis vrai. On fera la liste un soir, tu veux, de tous les gens qui nous font disparaître. Oui, oui, oui. Parce que tu es resté enfant, toi. Oui. C'est exquis. Non, non, mais c'est vrai, tu sais. On ne tue pas assez. On est veule, on est lâche, on a tort. On devrait avoir le courage de supprimer tous les êtres qui vous déplaisent. Non, mais tu dis bien le courage. Oui. Car tout au fond de soi-même, on ne cesse de désirer, de souhaiter la mort d'un tas de gens. Ainsi, tiens. Ce chauffeur de taxi hier au soir qui nous a arrêtés devant le 27 au lieu du 29. Je l'aurais vu mourir avec une joie. Mais oui, oui, oui, on est comme ça. D'ailleurs, tranquillise-toi, on tue bien plus qu'on ne pense. Et le crime quotidien qu'on étale dans les journaux n'a pas d'autre but que de faire croire qu'on n'en a commis qu'un seul ce jour-là. Oh, comme tu es intelligent, comme tu raisonnes bien, je t'adore. Mais sais-tu ce que j'adore le plus en toi? Non. Eh bien, ce sont les mouvements que les mots font faire à tes lèvres quand tu parles. Voilà le porto, madame. Veux-tu venir une seconde dans ma chambre? Mais oui, je veux bien. Tu n'es pas fatigué? Oh, mais non. Oh, il n'est jamais fatigué. Nous revenons dans 3 minutes, Paul. Je crois que j'ai eu tort de revenir sur la Terre. Quel cynisme elle a. Mais je dois dire que ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'ait pas parlé de ma barbe. Je vais la retirer un peu, tiens. Elle me gêne pour parler, elle me tient très chaud. Oui, dans le fond, j'aurais mieux fait de rester au paradis. L'idée de me venger n'était pas mauvaise. Seulement, si je me venge, je me fais reconnaître. Et si je me fais reconnaître, je suis perdu. Ah, ce qui est bête, c'est que j'ai oublié de demander à Saint-Antoine comment je dois m'y prendre pour retourner au ciel. Et puis, je n'ai pas d'argent. Oh, c'est très embêtant aussi, ça. J'aime bien la petite médaille qu'il m'a donnée, ce brave Saint-Antoine. Mais qu'est-ce que ça peut valoir? Ah, et puis, si je la vends, est-ce que ça ne va pas m'attirer des ennuis? Je ne voudrais pas dire du mal du paradis, mais entre nous, il y a dans tout ça un manque d'organisation et de précision qui m'étonne un peu. Fernand, je suis perdu. Dis-le, pourquoi n'es-tu pas venu à 2 heures chez moi, comme je te l'avais demandé? Oh, tu es quelquefois d'une intolérance. Oui, enfin, donc j'ai vu Santenay, j'ai causé avec lui, l'affaire est faite, et c'est une affaire admirable. Pour t'en donner une idée, il y a une hypothèque de 1 500 000 francs et une de 30 000. C'est rien? Non. Non, mais d'autant qu'il en fait son affaire. Ah. Oui. Oui. Tu n'as pas l'air de comprendre ce que je te dis. Ah, si. Mais toi, tu n'as pas l'air étonné de me voir ici. Mais pourquoi veux-tu que je sois étonné? Je continue. Si nous achetons tout le pâté de maison, les expropriations se feront automatiquement au terme de janvier. Seulement pour ça, il faut que nous versions lundi 600 000 francs, chacun 300 000. Es-tu en mesure de le faire? Écoute, je te demande pardon, mais voilà encore une chose que je m'explique mal. Tu ne sembles pas au courant de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne te moque pas de moi. Tu ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Ça donne la parole d'honneur que non. Ils ne te l'auraient pas fait savoir? Mais comment se serait-il arrangé? Ils n'ont peut-être dit à personne, mais... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, je ne peux malheureusement pas te le dire. Oh. Non, je n'ai pas le droit de te le dire. Seulement, il y a une chose que je vais t'apprendre et qui va te bouleverser. Ma femme me trompe. Ah, avec le jeune homme blanc qui fait l'étape tournante? Oui. Ça ne m'étonne pas. Ah non? Ah non, j'avais cru voir certains regards. Certains regards, oui. Eh ben, ils sont là, dans le boudoir, tous les deux. Et tu n'y vas pas? Ça n'est pas leur envie qui m'en manque, mais je n'en ai pas le droit. Je ne sais même pas si je n'ai pas à avoir d'ennui à cause de toi. En tout cas, sois gentil, ne dis à personne que tu m'as vu, hein? Bon. Et comme il est vraisemblable que nous ne nous reverrons plus jamais, disons-nous adieu. Adieu? Oui. Toi, Maurice. Mais Maurice, tu as quelque chose de bizarre, toi, en ce moment. Tu peux le dire. Ah, mais je le dis. Mais si tu veux m'en croire, tu ne devrais plus fumer du tout. Non, je viendrai prendre de tes nouvelles ce soir. C'est ça. Oui. À tout à l'heure. C'est terrible qu'il m'ait vu sans ma barbe. Pourvu que je n'ai pas d'ennui à cause de ça. Si je l'avais parti, il ne m'aurait pas reconnu, bon Dieu. Oh, je l'armais, tiens. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Santenay? Ce que tu voudras. Mais pourquoi t'es-tu mis cette barbe? Pour qu'on ne me reconnaisse pas. Ça me change? Pas du tout. Alors pourquoi eux ne m'ont-ils pas reconnu? Je n'en sais rien. Tu m'inquiètes beaucoup, Maurice. À tout à l'heure. Oui, moi aussi, je m'inquiète beaucoup. Car plus ça va, plus je sens que je vais avoir un mal de chien à conserver mon secret. Claude, tu viens d'être merveilleux. Saint-Antoine a parlé d'un châtiment terrible, mais en est-il incomparable au martyre que j'endure? Paul, versez le porto. Oh, oui, madame. Ah, les petites pilules. Évitons d'autres morts, en tout cas. Eh ben, mais il ne se gêne pas, celui-là, il boit mon porto. Ben non, c'est mon verre, voilà le tien. Mais vous me tutoyez? Oh, pardon, madame. Comme il faut que je me surveille. Mais qu'est-ce que vous avez, mon ami? Vous me semblez bien étrange et bien nerveux. Oui, je ne me sens pas bien. Je veux m'en aller. Vous en allez? Oui, je préfère m'en retourner. Je ne suis pas assez sûr de moi. Et où voulez-vous aller? D'où je viens. Mais voilà, je ne sais pas comment faire pour y retourner. Mais c'est loin d'ici? Ah oui, c'est loin. C'est très, très loin. Et il n'y a pas de moyen de communication? Si, il y en a un. Et j'ai, comme qui dirait, mon billet de retour. Eh ben, profitez-en. Je vais en profiter. Mais quel dommage que je ne puisse pas en profiter pour vous dire. Nous dire, hein? Vous avez des choses à nous dire? Ah oui, mais malheureusement, je n'en ai pas le droit. En tout cas, je peux toujours vous jurer une chose. C'est que vous irez tous les deux en enfer. C'est pour les assassiner, le paradis. Ce n'est pas pour les assassins. Il ne faut pas que je me coupe, attention. Mais c'est un fou. Oh, oui, je vais faire appeler un médecin. Oh, mais on va plutôt chercher des agents. Mais oui, en effet. Il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise, mais avant de m'en retourner... Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre mon billet de retour. 2 pilules, c'est assez, n'est-ce pas? si j'ai bonne mémoire. Quoi, mais que... Ah, ne me touchez pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il vient de se tuer avec les pilules. Nous sommes perdus. Mais pourquoi perdus? Mais deux morts ici, semblables, à 5 jours de distance, voyons. Mais c'est vrai, mon ami. Son ami, gredin, coquine, infâme, misérable. Ah, tant pis. Sais-tu qui je suis, hein? Sais-tu d'où je viens? Je suis Maurice Dalmasso, et j'arrive du paradis. Tenez, regardez, sans ma barbe. Vous me reconnaissez? Docteur. Mais je vous avais prévenu. Mais tant pis pour vous. Venez. Mais oh, Saint-Antoine. Venez. Allons, suivez-nous. Où me conduisez-vous? Dans une maison de fous. Dans une maison de fous? Oui, les fous, ce sont les bienheureux qui ne sont pas discrets. Je vous donne ma parole d'honneur, madame, que vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Mais vous ne croyez pas qu'une piqûre pourrait peut-être le... Mais pourquoi voulez-vous que je lui fasse une piqûre, madame? Oh, mais qu'est-ce que je viens d'apprendre? Oh, quelle nuit, mon ami, quelle nuit! Mais que s'est-il passé? Oh, vous vous souvenez dans quel état de nerfs se trouvait Maurice quand vous êtes parti hier au soir, n'est-ce oui, pas? Oui, bon. Oui. Craignant de lui voir passer une nuit blanche, je lui ai fait prendre une tasse de tilleul. Et M. Rigal lui a conseillé d'avaler 2 petites pilules dont il nous disait qu'elles étaient souveraines contre l'insomnie. Bon. Ouais. 10 minutes après les avoir avalées, Maurice a été pris d'un sommeil profond, tellement profond que je n'ai pas osé le réveiller tout de suite. Mais quand 1 heure plus tard, j'ai voulu qu'il se couchât, il m'a été alors impossible de le tirer de son sommeil. M. Rigal était parti, naturellement, le maître d'hôtel était sorti, et nous n'avons pas eu, ma femme de chambre et moi, la force de le porter jusqu'à son lit. À 8 heures du matin, il dormait encore. Oui, et comme à 10 heures, il dormait toujours et que son sommeil devenait très agité, j'ai téléphoné à M. Rigal en le priant de bien vouloir venir tout de suite avec ses petites pilules. Et avec le médecin qui les lui avait ordonnées, car je me suis souvenu que c'était un remède homéopathique et je préférais de ne pas consulter n'importe quel docteur. Voilà. Oui, vous avez parfaitement bien fait. Alors, vous êtes tranquillisé maintenant. Oui, tout à fait. Ah. Et le médecin m'assure qu'il sera complètement réveillé d'ici 1 heure ou 2. Peut-être même avant. Ah. Mais puisque vous me dites que votre mari est un insomniaque, oui. Ne faites rien pour écourter le repos qu'il est en train de prendre et qui ne peut que lui faire le plus grand bien. Je vous présente mes respects, madame. Docteur. Monsieur. Je vous accompagne, docteur. Il est peut-être très gentil, votre jeune avocat, mais à votre place, moi, je me méfierais de ce garçon-là. Que des tapes tournantes, il donne des soporifiques homéopathiques. Mais Maurice s'est pris d'une toccade pour lui. Comment va monsieur, madame? Mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Oh, quel bonheur! Vous êtes bien gentil. J'ai tant prié pour monsieur cette nuit. Oh, il a bouché. Oui, oui, ça y est, ça y est, ça y est, il s'éveille. Bonjour. C'est moi. Marcel. Je vois bien. Quelle heure est-il? 10h15. Du matin? Mais bien sûr. Alors pourquoi suis-je en smoking? Mais parce que tu as dormi dans le salon. Alors, j'ai dormi? Oui, et tu as même dormi 9h. C'est superbe. Oui. Et qui est-ce qui vous a fait dormir comme ça? Ce sont mes petites pilules. Eh oui. Oui. Eh bien, vous ne devriez pas vous en vanter. Vous ne devriez pas m'en parler de vos petites pilules. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on a le droit de donner aux gens les médicaments qui risquent de les plonger dans un sommeil, en somme, léthargique. Mais j'ai cru bien faire. Bon, je ne vous dis pas que vous l'ayez fait dans une mauvaise intention, mais vous devriez savoir qu'un médicament efficace pour l'un peut être dangereux pour l'autre. C'est très grave, les médicaments. Surtout quand ils sont homéopathiques. Et si c'est une farce que vous avez voulu me faire... Une farce? Je n'en saisis pas la drôlerie. Mais Maurice... Quoi? Et je ne saurais trop vous conseiller de vous amuser à l'avenir avec des garçons de votre âge. Mais monsieur, vous me parlez sur un ton qui me surprend beaucoup. Vous ne pouvez pas être plus surpris que je ne le suis moi-même de me réveiller à 10 heures du matin en smoking dans mon salon. Mais qu'est-ce que tu as, Maurice? J'ai rien du tout. On est dans le salon. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Tu me disais que tu avais vu certains regards. Certains regards? Oui. Ah non! Oh, pardon, je me trompe. Voulez-vous me permettre de me retirer, cher monsieur? Oui, je préfère. Comment? Oui, enfin, au revoir, monsieur. Au revoir. Considérez bien que je n'ai jamais eu l'intention ni de vous faire une farce, ni naturellement de vous faire du mal. Je ne demande qu'à le croire. Mais enfin, il vaut mieux que... Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vous présente mes respects, madame. Au revoir, monsieur. Monsieur. Monsieur. J'espère qu'il a compris. Quoi donc? Bah, que tu n'as pas une envie folle de le recevoir chez toi. Pourquoi? J'ai été... Mais tu as été effrayant. Effrayant? Mais oui. Je ne me trompe pas, Fernand. Ah non, ça, vous ne vous trompez pas. Ah non, ça, je dois le dire, il a été plus terrible que je ne l'espérais. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi? Je suis comme je suis. Et je m'aperçois qu'on ne change guère. Ce garçon que je trouvais charmant m'est devenu tout à coup extrêmement antipathique. Mais n'y pense plus, mon chéri. Surtout, surtout, surtout, ne t'énerve pas. Mais je ne m'énerve pas, voyons. Mais quel rêve j'ai fait, mes enfants. Ah oui? Mais toi qui ne rêves jamais. Ah ben, pour une fois que ça m'arrive, je fais bien les choses. Et un rêve pénible? Oh, insensé. Oh. Mais vraisemblable. À peu de choses près. Eh, ce sont les plus troublants. Mais raconte-le-nous. Non, plus tard. Mais plus pourquoi tard. Plus tard? Enfin, tout à l'heure, en déjeunant, peut-être. Ah, dis donc, mon vieux, pendant que j'y pense... Quoi donc? Oui, je ne crois pas aux tables tournantes, je ne crois pas à l'au-delà. Ben, pourquoi fais-tu? Oh, vous n'allez pas recommencer, hein? Mais non, non, non, mais si je ne crois pas à l'au-delà, du moins, je crois aux coïncidences. Qu'est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, et c'est trop bête. J'étais pourtant sûr de l'avoir emporté, puisque je venais pour te le montrer. Priez Saint-Antoine de Padoue. Pourquoi dis-tu ça? Bah, écoute, je ne suis pas la première à avoir eu cette idée. Quand on a perdu quelque chose... Oui, eh bien, ce n'est pas vrai. Ça n'est sûrement pas vrai. Mais quoi donc? Rien. Alors, ce que tu as perdu, toi? Ah, je l'ai retrouvé. C'est à propos de notre affaire? Non, non, oh non, de cela je te parlerai tantôt. Faudra-t-il que j'ai les 300 000 francs sur moi? Mais quels 300 000 francs? Ben pour l'achat du pâté de maison, voyons. Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'est pas question d'acheter le pâté de maison. Ah non? Ben non. C'est lui qui va nous verser à chacun 100 000 francs. Ah bon? Oui, alors je te disais donc que je ne croyais pas aux coïncidences. Or, hier soir, tu nous as parlé d'un monsieur Daniel Chardonneret qui avait été ton secrétaire. Oui. Qui était parti pour le Soudan. Oui. Eh bien. Eh bien, je t'annonce que... Monsieur Daniel Chardonneret, résident général à Tombouctou, vient d'être fait commandeur de la Légion d'honneur. Non. Lis-toi-même. Oh, non, c'est pas... Mais où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Oh, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, là. Mais qu'est-ce que tu as? La petite médaille. Oh. Alors, ça continue. Mais tu as mal? Mais non. C'est bien plus angoissant que ça. Qu'est-ce que c'est que cette petite médaille? C'est moi, monsieur. C'est vous quoi? C'est moi, monsieur, qui me suis permis cette nuit, quand j'ai vu que monsieur ne pouvait plus se réveiller, de la glisser dans la poche du gilet de monsieur pour que ça lui porte bonheur. C'est une petite médaille bénite. Si monsieur veut bien me la rendre maintenant... Ah, bah avec plaisir. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Eh bien, maintenant... Mes amis, je vais vous raconter mon rêve. Le Théâtre Populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, Un tour au paradis, une comédie en quatre actes de Sacha Guitry. Nous vous en rappelons la distribution. Maurice Dalmasso, Henri Guizol. Claude Rigal, Jacques Toja, sociétaire de la Comédie Française. Fernand Roussel, Daniel Lecourtois de la Comédie Française. Le docteur Ferron, Jean Clarence. Les deux bienheureux, Valé Valdi et Louis Raymond. Le valet de pied, Jacques Berger, Marcel Dalmasso, Sophie Desmarais, la femme de chambre, André Gire, la récitante, Olga Nils, et Saint-Antoine de Padoue, Robert Pisani. Bruitage, Henri Saint-Georges, prise de son, Jean Pantaloni, collaboration technique, Jean Parentoen, assistante de production, Claude Massé. Réalisation, Roger Dattis.